On va parler de natation. On devait y parler vendredi, sauf que c'est très, très difficile à rejoindre. Quoi qu'il en soit, ben c'était le marathon du lac à Jim qui avait lieu en fin de semaine. Sixième édition. On en parle avec la responsable Gabrielle Totti. Salut Gabrielle. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Gabrielle, j'étais à Québec, j'ai pas pu me rendre. J'aurais aimé ça me rendre parce que c'est une compétition qui gagne de plus en plus en popularité. Hein. Oui, en fait, là, j'ai une rectification. C'était la cinquième édition Ah, cette année, cinquième non la édition, sixième, là, OK. mais oui, cinquième édition, mais en effet, là, toujours de plus en plus populaire. On avait une belle brochette de nageurs là, ce samedi là, au lac à Gym, là, c'était une compétition très intéressante. OK. Est-ce que le 10 km, c'est vraiment rendu pas 10 ou 15 km? C'est peut-être l'avenir de la natation en nage en eau libre parce que des 32 km, comme on voit à traverser, la traversée va toujours rester parce que c'est mythique comme compétition. Mais bon, Manfred Magog, cette année, n'est plus là. La FINA, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec ça. Mais est-ce que le 15 km, ça représente vraiment l'avenir? Ben, en fait, c'est sûr que avec l'arrivée des 10 kilomètres aux Jeux olympiques, ces distances-là sont de plus en plus populaires. La traversée de 32 km, je pense que ça va toujours rester. D'ailleurs, cette année, là, il y a eu un nombre d'inscriptions record, là, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Je pense que c'est vraiment deux distances qui sont différentes. C'est pas la même, c'est pas nécessairement les mêmes nageurs qui y participent. Puis nous, avec notre 15 km, ben, c'est un entre-deux. On va chercher les nageurs du 10 km. C'est une belle préparation aussi là, pour les nageurs là, du 32 km. OK. Xavier Desharnais, c'est justement, à quelque part, il y a une synergie cette année entre les deux organisations, cette année qui s'est fait. Jérémy Bonneau, qui est le directeur général de la Traversée, toi également. Donc, vous êtes deux bons amis en plus. Donc, c'est facile de faire une synergie. Puis, Xavier Desharnais, il en a profité également pour remporter. Puis, pour lui, c'est une belle préparation pour la Traversée. Oui, c'est en plein ça, là. C'était sa deuxième participation au marathon du lac à Gym. Il était venu en 2014. L'an dernier, là, avec le calendrier des compétitions, ça n'avait pas été possible pour lui de venir. Mais cette année, là, il était très heureux d'être parmi nous. Puis d'ailleurs, il est allé confirmer là, son titre de grand gagnant. Là. Il a raflé la première position avec un temps record. Là. Donc, une belle journée là, de préparation de compétition pour lui. Là. Puis en effet, là, c'est une excellente préparation là, pour le 32 km qui aura lieu dans 2 semaines. Puis d'ailleurs, sur les 9 nageurs qui ont fait le 15 km, il y en avait 6 qui participeront là, à la grande traversée. Là. Donc, on voit que c'est un bon événement préparatoire qui est à la bonne place au calendrier aussi. On dit que c'est un bon événement préparatoire. Gabriel, tu l'as fait le Pequot-Gamy, tu l'as fait la traversée également. Jusqu'à quel point que c'est une bonne préparation? C'est pas du tout les mêmes. L'autre, c'est un 15 km, l'autre, c'est un 32. Le Pequot-Gamy, Gabriel, il est très imprévisible. Saint-Thomas, c'est plus ou moins prévisible, mais jusqu'à quel point que c'est une belle préparation? Bien, en fait, l'événement est 2 semaines avant la traversée, Ouais. donc c'est vraiment là, les dernières semaines de volume. On sait que les nageurs là s'entraînent pas avec des distances de 15 km par jour là jusqu'à l'événement final. Donc, en étant 2 semaines avant la grande traversée, c'est un dernier gros entraînement, un dernier gros volume. Puis là, après ça, là, dans les 2 semaines qui vont suivre, là, les nageurs vont diminuer de volume, vont se préparer là ce qu'on appelle j'ai pas le mot exact là, mais vraiment là pour être en pleine forme au 32 là, donc c'est un bon entraînement puis en plus dans un niveau compétitif. On a vu que Gabriel Pouliot qui était au 15 km aussi là, a terminé à 5 secondes de Xavier Desharnais. Lui aussi va participer à la traversée, donc il a appris à nager avec Xavier, il a vu la vitesse, comment il est capable de suivre, il était capable de le suivre pendant 15 km. Donc pour lui, c'est un bon indicatif là aussi là pour dans 2 semaines. Donc c'est vraiment pourquoi là c'est un bon entraînement pour eux. OK. Le 5 km, oui, c'est 5 km. C'est vraiment été. C'est un événement populaire parce que les gens qui sont un petit peu moins. Qui sont moins des professionnels comme vous, ben, quelque part, ils peuvent y aller. Et il y a eu, sur 100 nageurs, je pense qu'il y en a eu 43 qui sont sur 5 km. Ça démontre la popularité de cet événement-là, hein, de cette course-là, c'est-à-dire. Oui, mais en fait, là, encore une fois, 43, c'est pas le bon nombre. C'est 27 nageurs qui ont Ah, OK. participé aux 5 km, là. Mais oui, on est super contents du résultat, du nombre d'inscriptions. Et en effet, là, avec la Coupe Espoir Canada Carrossier Procolore, là, qui faisait partie là, du 5 km, donc ça allait amener des nageurs d'un petit peu partout au Québec. Il y avait des gens de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières. Donc, ça fait connaître le coin. Puis, ça, c'est bon aussi là pour notre marathon parce que ça fait le bouche-à-oreille. On a eu d'excellents commentaires. Les jeunes étaient contents du parcours et tout ça. Là. Donc, on est très heureux là de notre course de 5 km. Est-ce que c'est un petit peu les mêmes commentaires qu'on entend à Robert Val? Les nageurs aiment venir, aiment voir l'hospitalité des gens du lac Saint-Jean. Est-ce que c'est les mêmes commentaires qu'on entend à Saint-Thomas? Oui, tout à fait. Les gens là, sont charmés quand ils arrivent au lac Adjim, d'autant plus que c'est un site qui est quand même exceptionnel là pour la présentation. Puis on est habitué. Je donne l'exemple de Robert Val. Les gens, les familles, les amis qui viennent voir les courses, ben c'est du béton, c'est des estrades. Mmh. Au lac Adjim, ben c'est un, il y a la plage, il y a le centre de villégiature qui est à côté, il y a la pelouse. Donc les gens là peuvent vraiment là passer du temps en famille, les jeunes se baignent en même temps que les courses ont lieu. Là. Donc je pense que ça c'est un avantage pour nous aussi. Là. Ok. Comment tu vois ça pour l'avenir? La compétition qui va porter ton nom, c'est est-ce que c'est que, comment tu vois ça l'avenir de est-ce qu'il y a moyen, j'imagine encore une fois, d'augmenter le nombre d'inscriptions? La visibilité, d'avoir encore de plus gros noms. Comment tu vois ça, là? Bien, c'est sûr que, bon, pour l'avenir, là, nous, avec une centaine de nageurs, tu sais, vous savez, là, c'est beaucoup d'organisation, ouais. Ça demande beaucoup de bénévoles, la sécurité, le médical. Donc, c'est sûr que nous, c'est pas un objectif de devenir une compétition internationale au même titre que la traversée du lac Saint-Jean, Magog, anciennement Mégantic qui est devenu aujourd'hui là qui fait partie de la Coupe du monde, c'est pas vraiment notre objectif pour le moment, mais le bouche à oreille va se faire. Je pense que ça c'est la meilleure publicité qu'on peut pas avoir là d'offrir une compétition là qui est intéressante comme la nôtre. Les gens vont en parler, puis je pense que les inscriptions vont augmenter par elles-mêmes, mais sans devenir là, on veut pas être victime de notre propre succès à un tel point là d'accueillir là un nombre exagéré de nageurs non plus. Est-ce que finalement, comment tu trouves ça? On a décidé cette année de faire, à compter de l'an prochain, que l'épreuve va porter ton nom. J'imagine qu'on est choyé. Oui, et ils m'ont fait un bel honneur, une belle surprise là, vendredi là, quand ils m'ont annoncé la nouvelle. C'est sûr là, que c'était très touchant là, de leur part. Là. Mais je pense que pour l'avenir du marathon, ben on s'enligne dans la même direction. Ben Gabriel, gros merci, félicitations, puis au plaisir de se reparler. Ben merci beaucoup. Gabriel Trottier, l'organisatrice en chef du marathon de Saint-Thomas-d'Isle.